Chapitre 5e. On donnait à l'opéra, à quelques jours de là, la première représentation d'un ballet nouveau. Carlotta Grisi y devait créer un rôle brillant, et l'on parlait des décorations promises à l'admiration publique comme de l'une des plus merveilleuses choses qui fussent encore sorties de ce pays des chimères. Il y avait partout une foule innombrable. Dans une baignoire d'avant-scène, du côté gauche, 3 ou 4 jeunes gens de ceux que nous avons déjà vus au bal masqué étaient assis, tournant leurs jumelles vers la loge qui termine le balcon du côté droit. « C'est une incroyable ressemblance, » dit l'un d'eux. « Si je n'avais pas vu son tombeau et lu son nom sur le marbre funéraire, je jurerais que c'est elle, » reprit un autre. « Oui, c'est elle, avec des cheveux noirs, » dit un troisième. « Monsieur de T a raison, » reprit le premier interlocuteur. « Madame Dallone avait des cheveux châtains, et les bandeaux de cet inconnu sont noirs comme l'enfer. » « C'est-à-dire, » continua M. de Sarti, « que cette splendide étrangère ressemble à Madame Dallone comme une Italienne ressemble à une Allemande. L'une avait l'air doux et timide d'une pervenche qui rêve sous le gazon, et l'autre a le port superbe et la fière tournure du lys qui brille entre les fleurs. « Et cependant, c'est bien elle, » dit M. de T, « malgré son front de marbre, malgré ses cheveux d'ébène. » « C'est une question que le comte peut seul décider, » reprit un autre. « Mais à propos du comte, sait-on s'il viendra ce soir ?»« Il l'a promis. »« Quelle étrange aventure !» continua M. de Sarti. « Quand je le soulevais dans cette loge où il gisait, il était blanc comme un linceul. Son cri tintait encore dans mes oreilles. Le cœur ne battait plus. La morte était debout devant lui, immobile, superbe. » Elle passa devant nous sans dire une parole et s'effaça dans la foule silencieusement. Le comte resta jusqu'au matin raide et glacé. Quand il revint à la vie, ses yeux avaient le regard que durent avoir les yeux d'Hamlet lorsqu'ils virent l'ombre du roi. Ce fut pendant 24 heures un délire étrange, plein de discours confus et bizarres où revenait sans cesse le nom d'Esther. L'aimerait-il encore comme quelques-uns le prétendent? Les médecins craignirent un instant pour sa raison, mais la fièvre céda le lendemain et le comte tomba dans un silence profond. Hier il est sorti à cheval. Il va venir. À cette âme qui lutte, dit-on, contre un souvenir, il faut des distractions. Dieu veuille que cette distraction ne soit pas une secousse trop violente pour son cerveau, ajouta l'un des jeunes gens en jetant un regard sur la dame qui était assise au balcon. M. Dallone entra sur ces entrefaites. Il était fort pâle. Après avoir échangé quelques poignées de main avec les habitués de la baignoire, il prit une jumelle et parcourut le cercle étincelant des loges. Tout à coup, sa main s'arrêta dans son mouvement circulaire. Il venait de rencontrer l'étrangère. Ses voisins l'observaient en silence. Le comte s'assit et passa la main sur son front. Il resta un instant les yeux fermés comme un homme à qui la fièvre fait boire un objet effrayant. Quand il les rouvrit, l'étrangère était toujours là, immobile et souriante, dans sa radieuse beauté. M. Dallone se sentit frissonner de la tête aux pieds. Ce visage blanc comme le marbre lui était apparu une fois déjà, et le souvenir de cette minute glaçait son cœur. Cependant, la vie, la joie, la jeunesse frémissaient partout. Ce n'était pas l'heure des choses surnaturelles. Le comte se tourna résolument vers l'un de ses voisins. « Connaissez-vous cette femme qui nous fait face aux loges du balcon ?» lui dit-il. « Non, mais tous nous lui trouverions une ressemblance étrange avec une autre personne, si celle-ci n'avait des cheveux noirs, » lui répondit M. de Sarti. « C'est vrai, » s'écria M. Dallone. Et il respira comme un homme qui sort d'un rêve affreux. La scène qui avait été jouée au bal masqué ne pouvait-elle s'expliquer facilement? L'étrangère avait certainement eu connaissance de l'amour de M. Dallone pour sa femme et de la mort d'Esther. Le reste n'était plus qu'une plaisanterie, un peu vive sans doute, mais que la liberté du domino autorisait jusqu'à un certain point. L'inconnu s'était servi de sa ressemblance comme d'une arme sûre pour jouer une scène de roman. Toutes ces réflexions traversèrent rapidement l'esprit de M. Dallone. Il quitta la baignoire d'avant-scène et se dirigea vers le balcon où l'étrangère était assise. Un charme irrésistible l'attirait. Il était tout à la fois heureux et triste en la contemplant. Le coupon de la loge occupée par l'étrangère portait un simple nom de baptême, le nom d'Arnold. Ce devait être celui du jeune homme qui l'accompagnait, un beau jeune homme qui avait de magnifiques cheveux blonds, le profil net et fin, un sourire doux avec un regard fier et dans toute sa personne une parfaite distinction. M. Dallon se plaça dans une loge voisine, d'où il pouvait tout à son aise examiner les deux jeunes gens assis l'un près de l'autre et causant avec cet air de confiante familiarité qui trahit d'intimes et charmantes relations. La présence de celui que le coupon appelait Arnold irritait le comte, qui ne pouvait se défendre d'un étrange mouvement de jalousie. Il lui semblait que cette intimité était un vol qu'on lui faisait. Un instant, les yeux de l'inconnu s'arrêtèrent sur ceux de M. Dallon, et tout son être en tressaillit. Il voulut sourire, mais ce regard, un instant arrêté sur le sien, s'éloigna sans que le visage de l'étrangère exprimât rien qui pût faire croire qu'elle reconnut M. Dallon. Cependant, la représentation du ballet avançait, et l'observation que M. de T et ses amis avaient faite, beaucoup d'autres la faisaient tour à tour. On voyait 50 lorgnettes tourner leurs lentilles vers la loge du balcon, et partout, après un rapide coup d'œil, les femmes causaient entre elles avec vivacité. Tous ceux qui se souvenaient de Mme Dallon ne pouvaient s'empêcher de témoigner leur surprise. On chercha le comte, on le découvrit, et son attitude servit de texte à 1000 conversations. On oubliait la scène pour une loge et le ballet pour une femme. Un fantôme triomphait de Carlotta Grisi. « Mais voyez donc comme elle est blanche dans sa robe blanche, » dit l'une des belles envieuses. « C'est une âme qui arrive du paradis et qui fait un voyage d'agrément sur la terre, » ajouta un joli procureur du roi en désignant du regard le compagnon de l'inconnu. « Vous verrez, » disait plus loin l'ambassadrice d'un royaume italien, « que Mme Dallon était lasse de la nuance de ses cheveux. Elle est morte pour avoir le droit de les porter tout à fait noirs. » Cette femme, reprenait un prince russe en mission perpétuelle à Paris, est un chapitre détiché des métamorphoses d'Ovide. Si notre siècle était moins vieux de 500 ou 600 ans, continuait un jeune philosophe de l'Institut, je croirais à la fée Morgane. Les morts, pour nous braver, sortent-ils du tombeau? S'écria un député classique. Eh mon Dieu, disait en souriant Madame de Noirmont, voilà M. Dallon en contemplation devant cet inconnu comme un moine devant une madone. C'est un mari comme il y a peu d'amants. « Voyez quel regard !» reprit un vieux journaliste qui avait gagné une sinécure à foudroyer tous les ministères. « Il est bien certainement amoureux d'une ressemblance. »« Voilà les hommes !» s'écria hautement M. de Noirmont, qui humait une prise de tabac. « Maintenant qu'il n'a plus sa femme, le comte fait comme le chien de la fable, il court après l'ombre. »« C'est logique, l'ombre n'est pas à lui, » dit un petit jeune homme qui venait d'entrer au Conseil d'État. Tandis que tous ces propos s'échangeaient dans tous les coins du théâtre, l'étrangère promenait ses regards de la scène à l'orchestre et de l'orchestre aux galeries avec ce sourire doux et charmant que le bonheur met aux lèvres des jeunes femmes. Elle était penchée au dos de son fauteuil, dans une pose toute empreinte de grâce nonchalante et drapée ainsi qu'une nymphe antique dans les plis aériens d'une robe blanche fermée aux épaules et à la taille par de merveilleux camées. La ligne serpentine que traçait la mousseline autour du corsage était presque invisible, tant la peau nacrée de l'inconnue avait d'éclatante blancheur. Elle semblait être sortie tout entière d'un bloc de marbre comme la Galatée du sculpteur amoureux. Quand elle se penchait vers son jeune compagnon, les lignes souples de sa taille rappelaient à l'esprit de M. Dallon, perdu dans sa muette adoration, la silhouette harmonieuse d'Esther. L'étrangère avait dans la physionomie bien plus le caractère de la résolution que celui de la tendresse, mais on voyait à son attitude qu'elle se faisait caressante et timide pour le doux plaisir d'être aimée et protégée. « C'est une panthère qui fait la chatte, » disait M. de T. Cependant, une lourde main, qui s'appuya sur l'épaule de M. Dallon, le tira de sa rêverie. Il se retourna et reconnut Sir Arthur, qui venait le chercher de la part de Paquita, assise dans une loge voisine. Sir Arthur serra vivement les deux mains du comte. Son gros visage était épanoui. « Les Parisiennes sont des fées, » lui dit-il. « Pourquoi ?» répondit M. Dallon, qui regardait Paquita et qui ne voyait que l'étrangère. « Eh, mais elle a trouvé une troisième idée. Pour le coup, je touche au déficit. »« Ah, fort bien !» s'écria le comte qui finit par comprendre. Vous avez mis la main sur votre rêve. Votre maîtresse vaut 10 neveux. Au moins, l'aimez-vous? Je ne sais pas, répondit l'anglais naïvement, mais j'aime beaucoup son système. Cette femme est la plus belle soustraction que j'ai vue de ma vie. J'étais près de vous et vous ne me voyiez pas, Henri, dit Paquita à M. Dallon, qui entrait dans sa loge. Je ne croyais pas qu'il y eût entre Le Pecq et Paris l'espace d'un oubli. Vous m'éblouissiez. Quand on regarde le soleil, on ne le voit plus, répondit le comte avec une prestesse d'esprit que les Parisiens apprennent dans les luttes quotidiennes de la conversation. Ah, vous dites cela à cause de mes diamants. J'en ai mis partout. Je ne les aime pas, mais c'est cher. J'ai vu en Italie bien des vierges dans leurs châsses qui n'étaient pas plus brillantes que vous. Golconde est à votre cou et vous portez le Pérou en boucle d'oreille. Que voulez-vous? Sir Arthur m'enchaîne par la reconnaissance. Il faut bien que je paie ma dette. Soit hasard, soit volonté, les regards de l'étrangère s'étaient depuis une minute tournés vers la loge où causaient M. Dallone et Paquita. Celle-ci le remarqua. Elle connaissait Esther pour l'avoir vue tout un hiver à l'opéra et aux Italiens. À l'aspect de cette pâle inconnue, elle frissonna, et se rejetant vivement en arrière, elle se pencha à l'oreille du comte. « L'avez-vous vue ? » lui dit-elle. « Oui, » dit le comte, d'une voix faible. « Ainsi, cette ressemblance étrange ne vous échappe pas, vous non plus. »« Mais c'est elle. Il y a des morts qui ressuscitent, » murmura l'Espagnol. Le comte s'efforça de rire, mais le regard de l'inconnu l'atteignit comme une pointe d'acier. Il en sentait la flamme au cœur. Le sourire disparut de sa bouche. Malgré lui, il baissa les yeux. En ce moment, l'étrangère s'inclina vers le jeune homme qui lui parlait. Quelques mots prononcés d'une voix claire et métallique arrivèrent aux oreilles du comte. Sa paupière se releva. L'étrangère parlait allemand et c'était une langue qu'Esther ne savait pas. « Ah, mon Dieu !» fit Paquita, que ses promenades à Bade avaient familiarisé avec l'idiome des bords du Rhin. « Où je rêvais un spectre parisien, je ne vois plus qu'une Charlotte. Mon fantôme a des tartines dans sa poche. » Cependant, le ballet finissait au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Le cœur aérien des danseuses s'évanouissait en tourbillonnant sous les ombres verdoyantes d'une forêt pleine d'enchantement, et le rideau tombait. La foule se pressait dans les couloirs, où l'on entendait le doux bruit des robes de soie. Tout à coup, une pâleur livide se répandit sur le visage de M. Dallone. L'étrangère venait de le frôler du bras, et Arnold, penché vers elle, disait en rabattant sur son front d'ivoire les plis soyeux d'un capuchon « Prenez garde, Esther, il fait froid. »